Se serrer. Les jours de réclusion se suivent lentement. Ce n'est pas la prison, mais on se sent fébrile, oppressé, dépressif, de plus en plus fragile, comme camisolé jusqu'à l'étouffement. Lointaine cependant paraît la vie d'après, par-delà le silence de ce mort désert, à quand la liberté pour calmer nos misères et à nouveau serrer nos aimés de très près? Aux souvenirs grisants des élans de jadis, des échos de nos fêtes et de nos délires, souvent je me réfère, ébauchant un sourire, en songeant qu'un beau jour finira le supplice. Me manquent les baisers et aussi les caresses qui d'un vol gracieux effleuraient mon visage ou bien frôlaient mes mains dans un muet message d'amour ou d'amitié, enfin de gentillesse. Les fenêtres fermées sur nos douleurs secrètes laissent couler amères des larmes nostalgiques et les façades grises en ces instants tragiques dégoulinent des pleurs dus aux frayeurs muettes. Comment peut-on survivre esselé sans étreinte, en n'échangeant plus rien que des signaux distants? Les gestes sont barrières, les saluts hésitants et les rapports humains refroidis par la crainte.